Chapitre 4. Où est l'ombre du chevalier ? Quelque temps après, le chevalier Darsac et M. Corbier descendaient d'un taxi en face d'un somptueux hôtel du boulevard Saint-Germain. « C'est là qu'est entré le comte de Beaulieu, » dit le maître maçon. « Bien, mon ami, comme j'ai oublié mon laquais à mon hôtel de Provence, veuillez avoir l'obligeance de sonner. » Monsieur Corbier s'acquitta de cette tâche. Quelques secondes après, un valet en livrée ouvrit la porte. À la vue du chevalier Darsac, il s'inclina très bas et s'écarta pour lui livrer passage. Le chevalier Darsac entra, la tête haute, suivi de monsieur Corbier. Un second valet, après s'être incliné devant lui aussi bas que son prédécesseur, l'introduisit dans un vaste salon, sans mot dire. « Monsieur le comte de Beaulieu est-il chez lui ?» demanda le chevalier. Le valet leva vers lui des yeux ahuris et vaguement inquiets. « Monsieur le comte désire ?» demanda-t-il en s'inclinant de nouveau. « Je désire savoir si monsieur le comte de Beaulieu est ici. » Pour la seconde fois, le valet leva des yeux ahuris et balbutia d'une voix humble. « Oui, monsieur le comte. » Très bien, faites-lui savoir que le chevalier Gaston Terrail de Bayard d'Arsac, comte de Savignac, le prie de vouloir bien lui accorder une entrevue de quelques instants. Le valet semblait ébranlé. Son visage reflétait l'étonnement poussé au paroxysme. Il attendait bouche bée. « Vous n'avez pas compris ?» s'écria le chevalier impatienté. « Mais allez-vous répondre ?»« Que monsieur le comte daigne me pardonner, » balbutia le valet, « mais je n'ai pas bien compris son ordre. » « Je vous ai dit, » reprit le chevalier d'une voix tranchante, « que je désirais parler à votre maître. M'avez-vous compris maintenant ?»« Oui, monsieur le comte. » « Eh bien, Morius, pourquoi donc restez-vous figé comme une statue ? Allez prévenir votre maître. » « Que monsieur le comte me pardonne, mais je ne sais comment accomplir une chose impossible. » « Impossible ? Monsieur de Beaulieu refuse-t-il de me recevoir ?» « Non, monsieur le comte. » « Serait-il malade ?»« Non, monsieur le comte. » « Bref, où est-il, votre maître ?»« Que monsieur le comte me pardonne si je ne saisis pas très bien la plaisanterie, mais monsieur le comte est devant moi. » « Ah, je comprends !» s'écria le chevalier en éclatant de rire. « C'est moi que vous prenez pour le comte de Beaulieu. » Le valet, rassuré par le rire du chevalier, sourit avec discrétion de la plaisanterie dont voulait bien l'honorer celui qu'il croyait être son maître. Il répondit par une respectueuse inclination de la tête. « Mordius !» s'écria Darsac. « Il faut croire que je lui ressemble fameusement. » « Non, je ne suis pas le comte de Beaulieu. Je porte le titre de comte de Savignac. Mais dites-moi, quand pourrais-je trouver ici mon sosie, le véritable comte de Beaulieu ?» Ce ne fut point sans difficulté que Darsac parvint à tirer de son mutisme ce valet têtu qui persistait à voir en lui son maître. Finalement, il apprit que le comte de Beaulieu voyageait beaucoup et ne faisait dans son hôtel du boulevard Saint-Germain que de courtes apparitions. Il résolut de revenir un autre jour et il sortit, suivi de M. Corbier, avec toutes les marques de respect et tous les honneurs dus au comte de Beaulieu. Décidément, le chevalier Darsac devait terriblement ressembler à un homme considérable. Bien qu'il fût presque inconnu à Paris, où il n'avait plus séjourné depuis 5 ans, il ne pouvait aller se promener au bois de Boulogne ou sur les grands boulevards sans que des messieurs ou des dames, passant en auto ou en voiture de maître, ne le saluassent. Il répondait à toutes ces marques de civilité avec le plus profond détachement, en personnage accoutumé à recevoir des hommages. Mais cette soudaine notoriété n'était point sans le surprendre. Il connaissait sa valeur, il trouvait tout naturel qu'on admirât le chevalier Gaston Terrail de Bayard d'Arsac de Savignac, mais il s'étonnait toutefois un peu que les exploits qu'il avait accomplis dans le Nouveau Monde fussent connus déjà dans la vieille Europe. Mais ce n'était point tout, d'autres surprises l'attendaient. Un jour qu'il se trouvait attablé dans un grand restaurant, un étranger très correctement vêtu le salua et, s'approchant, lui dit d'un air mystérieux en se penchant à son oreille « Il pleuvra ce soir ». Le chevalier d'Arsac s'attendait à une entrée en matière plus distinguée. Aussi, offusqué de la banalité du propos, il répliqua d'une voix cassante « Il est possible, mais ça m'est égal ». L'inconnu esquissa un geste d'excuse et se retira. D'Arsac pensa « Ou c'est un fou, ou bien cet homme se moque de moi. Dans ce dernier cas, il faut qu'il m'en rende raison. » Et il se leva, cherchant du regard l'inconnu. Mais celui-ci avait disparu. Une autre fois qu'il flânait sur les quais, regardant en passant les livres exposés par les bouquinistes, un vieux monsieur le salua en souriant, comme s'il se trouvait en présence d'un sien ami. Puis, s'avançant, il lui dit d'un ton confidentiel « Il pleuvra ce soir. » « Encore ?» pensa D'Arsac. « Décidément, j'ai affaire à des fumistes qui se sont donné le mot pour rire de moi. » Et, à haute voix, il dit à son interlocuteur « Monsieur, c'est la seconde fois qu'un inconnu me tient le même propos banal. Votre âge m'impose le respect. Je me bornerai donc à vous demander si vous vous moquez de moi. Comment, vous n'en êtes donc pas ? Continuez. » Le vieillard parut se raviser. Il reprit « Vous n'êtes pas de ceux qui observent la direction du vent ?»« Non, monsieur, je ne m'inquiète aucunement du vent et de la pluie. » Et il lui tourna le dos, décidé à prendre sa revanche, lorsqu'un homme plus jeune oserait lui reparler du vent ou du beau temps sur un ton aussi solennellement stupide. L'occasion ne se fit pas attendre. Le soir même, un dandy l'accosta en lui répétant les paroles sacramentelles « Il pleuvra ce soir. »« Oui, monsieur, dit le chevalier, les yeux brillants de colère. Il pleuvra des coups d'étrivière si vous ne décampez pas au plus tôt. » Et faisant siffler la cravache qui ne quittait jamais sa main et lui tenait lieu de canne, il menaça d'un tourbillon cinglant le dandy. Celui-ci s'excusa avec volubilité et déguerpit rapidement. « Que signifie cette phrase stupide, ce lieu commun ?» se demandait le chevalier. « Un mot de passe, peut-être, mais je n'aime pas ça. » Et chaque fois qu'un étranger se représentait devant lui avec ses paroles aux lèvres, la cravache menaçante sifflait et mettait en fuite l'importun. Entre-temps, notre chevalier protégeait M. Corbier, l'accompagnant dans ses promenades, le reconduisant chez lui, veillant sur lui à toute heure du jour. « Si un homme a l'audace de toucher à un de vos cheveux, avait-il dit, je le pulvérise !» Et, de ce fait, depuis qu'il était sous la protection inlassable du chevalier, M. Corbier n'avait pas couru le moindre danger. La blessure de son bras ne lui avait pas encore permis de se remettre au travail et il ne sortait que pour se promener. Un jour que le chevalier d'Arsac sortait de l'hôtel de Provence et tandis que la tenancière le suivait d'un regard admiratif, murmurant « Quel fringant et admirable cavalier !» un étranger, portant une longue barbe noire, pénétra dans l'établissement. Il avisa un garçon. « J'ai quelques renseignements à vous demander. « Servez-moi une chopine de blanc. » Le garçon servit la consommation. « Pouvez-vous me fournir en quelques mots des renseignements sur le chevalier d'Arsac qui est descendu dans cet hôtel ?»« C'est un Gascon, 25 ans, il est comte, a voyagé dans le Nouveau Monde, a cherché fortune, ne l'a pas trouvé. »« C'est tout ?»« Tout ce que je sais. Personne ne pourrait compléter ces renseignements ?» Oui, l'homme qui l'accompagne et qui l'appelle son domestique. Est-il ici ? Oui. Allez le chercher, je voudrais lui parler. Quelques instants après, un homme d'une cinquantaine d'années, replet, aux yeux fureteurs, entra dans l'établissement conduit par le garçon. « Vous êtes le domestique de monsieur le chevalier d'Arsac ? » demanda l'homme mystérieux. « Son domestique ? » s'écria le nouvel arrivant. « Non, monsieur. » J'accompagne monsieur le chevalier, il est vrai, et il m'appelle son domestique, mais je suis en réalité son créancier. Monsieur le chevalier d'Arsac me doit, à l'heure actuelle, 131 975 francs 35 centimes. J'ai le compte sur moi, monsieur. » Voulez-vous me faire l'honneur d'accepter un verre ? Dit l'inconnu. Très volontiers, monsieur. Les deux hommes s'installèrent. Vous êtes donc son créancier ? Reprit l'inconnu. Oui, monsieur, je me nomme monsieur Poirotteau. Poirotteau ? Oui, monsieur, César Poirotteau pour vous servir. L'inconnu cuisina habilement le naïf monsieur Poirotteau, qui lui fournit sur le chevalier d'Arsac les plus amples renseignements. Nul ne peut être mieux renseigné qu'un créancier. Il apprit ainsi que le chevalier Gaston Terrail de Bayard d'Arsac de Savignac, dans un vieux château dont les murs baignaient dans la Garonne, qu'il prétendait descendre en ligne directe du chevalier Bayard, détail fort secondaire du reste, et que son père, en mourant, lui avait légué 110 000 francs de dette, détail plus important, celui-ci, que la majeure partie de cette somme était due à M. César Poirotteau. Le jeune Gaston était parti pour l'Amérique dans le but de faire fortune. Il en était revenu couvert de gloire, mais non d'or, après avoir accompli les exploits les plus fantastiquement inutiles, exploits qui lui avaient valu le titre de roi des aventuriers. Mais comment et pourquoi monsieur le chevalier d'Arsac vous fait-il passer pour son domestique ? Demanda l'inconnu. C'est bien simple, on prétendait qu'il avait fait fortune au Canada et qu'il y menait une vie de grand seigneur. Je partis dans le but de liquider mes créances. Je tombai dans les mains des Peaux-Rouges qui allaient me brûler vif lorsque monsieur le chevalier arriva juste à temps pour me délivrer. Vous eûtes de la chance. Et de la malchance aussi. Jugez de ma désillusion lorsque j'appris de la bouche même du chevalier qu'il n'avait pas fait fortune et qu'il était bien aise de me voir à l'effet d'élargir son crédit. Comme il ne me trouvait pas l'allure assez noble pour me considérer comme son compagnon, il me fit passer pour son domestique et il m'imposa même ses fonctions. Et c'était le monde renversé, c'était le domestique qui payait son maître. Hélas, oui, monsieur. Et vous avez toléré ces prétentions extraordinaires ? Que voulez-vous, monsieur ? Lorsque je récriminais sur l'élévation des dépenses, il se fâchait tout rouge en disant « Si vous persistez à me tenir un langage aussi irrespectueux, je vous congédie, César. » Je lui disais alors « Mais, monsieur le chevalier, vous oubliez que je ne suis votre domestique que de nom. Savez-vous ce qu'il me répondait, monsieur ?»« Non. » Il me répondait « En ce cas, monsieur Poirotteau, je vais vous quitter car je ne veux pas qu'on vous prenne pour mon ami. » « Et pourquoi donc ne l'avez-vous pas laissé partir ?»« Le laisser partir, monsieur, mais vous n'y songez pas. Ne vous ai-je pas dit que monsieur le chevalier d'Arsac représentait pour moi près de 132 000 francs ? On n'abandonne pas ainsi une somme de cette importance. » « Et vous avez continué à payer les frais de voyage ?» « Hélas, oui. Monsieur le chevalier était à la recherche d'un filon d'or. Il m'a fait parcourir tout le Canada, traverser les montagnes rocheuses. Nous en avons vu du pays. Un beau pays, n'est-ce pas ?»« Le pays, je m'en moque. Je ne voyais d'ailleurs que l'argent qui filait entre mes doigts. Au lieu de trouver de l'or dans ces maudites montagnes rocheuses, j'en ai laissé. » Enfin, un beau jour, le chevalier, après avoir traversé le Canada de part en part, arriva avec moi devant l'océan Pacifique. Il me dit alors, d'un air très sérieux, « Je crois, mon brave César, que nous nous sommes trompés de chemin. Nous n'avons pas trouvé d'or au Canada, donc c'est qu'il n'en reste plus. Nous sommes arrivés 50 ans trop tard. » « Il fallait venir plus tôt, lui dis-je d'un ton aigre doux. » « J'en conviens, répliqua-t-il, j'aurais dû le faire, mais songez que c'était impossible, je n'ai que 25 ans. »« C'est vrai, concédai-je, mais qu'allons-nous faire ?» Il me montre la mer. « La Providence vous répondra pour moi, dit-il. Elle a mis devant nous l'océan Pacifique pour nous inciter au repos. C'est d'ailleurs à peu près tout ce que nous avons gagné. Profitons-en, c'est plus que rien. » Nous nous reposâmes donc à Vancouver pendant 8 jours, puis le chevalier me dit « En réalité, les mines américaines sont vides, l'or, après avoir vu le jour ici, a émigré. Retournons chez nous, j'ai l'impression que je ferai fortune. Nous partîmes et nous arrivâmes ici le 6 de ce mois. Eh bien, dit l'inconnu d'un air finaud, le chevalier avait peut-être raison. Je trouve aussi que, s'il le veut, la fortune l'attend ici. Ménagez-moi une entrevue avec lui, et je crois que, après avoir été son créancier, vous pourrez bien un jour devenir son débiteur. Pas possible. Vous verrez. Et qui pourrais-je annoncer à monsieur le chevalier? Monsieur messager. Ne suis-je pas, du reste, le messager de la fortune? Dites-moi, à quelle heure pourrais-je trouver ici monsieur Darsac? Demain, entre 9 et 10 heures du matin. Très bien, je serai ici demain à 9 heures. Et l'inconnu sortit. Monsieur Poirotteau fit part au chevalier de l'entretien qu'il avait eu avec l'inconnu. Le Gascon répondit qu'il daignerait recevoir le dit inconnu le lendemain à 9 heures du matin. Le prétendu monsieur messager fut exact au rendez-vous et monsieur Poirotteau le conduisit dans le petit cabinet qu'occupait le chevalier Darsac. Celui-ci était assis à sa table. Sans se lever, il fit signe à l'étranger de s'asseoir. « Mon valet de chambre m'a dit, monsieur, que vous aviez des propositions à me faire, » prononça-t-il. L'étranger s'inclina. « C'est vrai, en effet, monsieur le chevalier, mais je désirerais d'abord, si vous le permettez, vous poser une question. Posez, monsieur, et soyez bref, je vous en prie. » L'étranger se recueillit un instant. Il voulait porter un grand coup. Il dit « Cette question, monsieur, la voici en un mot. Voulez-vous faire fortune ? Cela dépend de mes conditions. » L'étranger sursauta. Le grand coup qu'il avait cru donner n'avait point porté et c'était lui qui le recevait dans cette réponse inattendue. « Comment, monsieur le chevalier, fit-il étonné, je viens vous proposer, moi, de faire fortune et c'est vous qui y mettez des conditions ?» « Parfaitement. Qu'y a-t-il d'étonnant à cela ?»« Mais je ne comprends pas. » »« Je m'explique. J'accepte de faire fortune, il est vrai, mais comme certaines fortunes sont échafaudées sur des moyens malhonnêtes, je tiens à vous déclarer que je refuse a priori de faire quoi que ce soit qui ne soit pas conforme à l'honneur. » L'étranger réprima furtivement une grimace et reprit avec calme « C'est bien mon avis, monsieur le chevalier. » « Très bien. En ce cas, je vous écoute. » Voici de quoi il s'agit. Mon frère et moi, nous cherchons un homme beau, distingué, vaillant, capable de porter un grand nom. Vous pourriez excellemment être cet homme. C'est aussi mon avis. Continuez. Nous sommes riches. Nous mettrions un magnifique hôtel à votre disposition. Vous auriez tout le luxe désirable, laquais, chevaux, automobiles. Cela vous convient-il? Mais oui, continuez. En échange de tout cela, nous ne vous demanderions qu'un peu d'obéissance. Le chevalier bondit sur son fauteuil. Plaît-il? De l'obéissance? Obéir, moi, qui suis d'une race qui commande depuis 5 siècles, 10 siècles, que sais-je? Obéir, moi, le descendant du chevalier Bayard? Vous m'insultez, je crois, monsieur, et si vous n'étiez mon hôte? Pardonnez-moi, monsieur le chevalier, je me suis mal exprimé. J'ai voulu dire condescendance. Ah, très bien, continuez. Nous vous demandons simplement de ne pas contrecarrer nos projets. Et ces projets, quels sont-ils? Voilà ce que nous désirons garder secret, mais je vous donne ma parole d'honneur que ces projets n'ont rien que de très honorable. En réalité, qu'attendez-vous de moi en échange de vos hôtels, valets, chevaux et voitures? Car je suppose que ce n'est pas pour le seul plaisir de me voir occuper le rang qui m'est dû que vous allez me procurer tous ces avantages. Je vous l'ai dit, monsieur, nous ne demandons qu'une seule chose, c'est que vous consentiez à porter un grand nom, un très grand nom. Je ne comprends pas très bien. Quel est ce grand nom? C'est celui du comte de Beaulieu. Hein? Le comte de Beaulieu, mon fameux sosie? Et c'est cela que vous exigez de moi? C'est tout, monsieur le chevalier, absolument tout. Et maintenant, il ne manque plus que votre consentement. Acceptez-vous? Je refuse. Et puis-je en connaître la raison? La raison? Mais supposez-vous donc que lorsqu'on a l'honneur de s'appeler le chevalier Gaston Terrail de Bayard d'Arsac, comte de Savignac, on va s'abaisser à échanger des titres aussi glorieux contre celui de comte de... Comment disiez-vous? De Beaulieu? Mais, monsieur, la noblesse des Beaulieu remonte aux croisades. En ce cas, monsieur, la mienne remonte à Charlemagne, à Moïse et, qui sait, peut-être même à Adam. Vous voulez rire, monsieur le chevalier? Je ne ris jamais quand je parle de mes ancêtres, monsieur. Je ne ris que lorsqu'il s'agit de votre siècle. Vous oubliez, monsieur, que vous avez devant vous le dernier descendant du grand Bayard. Je le sais, monsieur le chevalier, je connais votre noblesse et vous admire. C'est pourquoi je me suis adressé à vous. Réfléchissez à ma proposition, je reviendrai prendre votre réponse. Inutile, monsieur, s'écria le chevalier de sa voix claironnante. Inutile, je refuse, vous dis-je, je refuse. À ce moment, un soupir profond et sonore éclata dans la salle. Le chevalier se retourna vivement pour voir d'où provenait ce bruit insolite. Il aperçut dans l'entrebâillement de la porte la figure déconfite de Monsieur Poirotot. Il comprit tout de suite la nature de ce soupir, digne d'un homme à qui l'on doit 132 000 francs. Il se borna à lancer à son malheureux laquais un regard foudroyant. Monsieur Poirotot disparut comme par enchantement. « Votre refus catégorique, votre brusque décision m'attriste, dit l'étranger. Vous auriez pu faire une bonne action, éviter peut-être un grand malheur. » À ces mots, le chevalier sursauta. Sans le savoir, l'étranger venait de toucher en lui une corde sensible et tout ce qu'il y avait en lui de bonté native et de générosité en notre Gascon se réveillait. « Vous dites, monsieur, une bonne action, éviter un grand malheur. En ce cas, c'est autre chose. Je suis prêt à faire certains sacrifices. Expliquez-vous, je vous écoute. » L'étranger réprima un sourire. Il avait découvert le point faible de la cuirasse et il se proposait d'en tirer parti. Il parut réfléchir un instant et dit enfin « Me promettez-vous de garder le secret que je vais vous révéler ? Je vous en donne ma parole. » « Merci. Je vais vous dire le mobile très louable, très charitable même, qui m'a décidé à faire une démarche auprès de vous. Une dame du monde, Madame la Comtesse de Beaulieu, puisqu'il faut l'appeler par son nom, a perdu un fils qu'elle chérissait comme son Dieu. Elle en a conçu un chagrin qui la mine et la conduira à la tombe. Ce fils est mort. Il a disparu. On est sans nouvelles. Le bruit de son décès circulait. » « Je comprends. La comtesse deviendra folle ou succombera au désespoir si le fils chéri ne reparaît pas. Vous comprenez, nous avons pensé à vous parce que vous ressemblez au jeune comte Louis de Beaulieu d'une façon étonnante. Il a votre taille, votre mâle visage et, comme vous, il a été élevé dans le Midi. Il a votre accent. Bref, je vous le répète, la ressemblance est étonnante. » « Je sais, je sais. » « Comment? Vous auriez connu le comte Louis de Beaulieu ?»« Je ne l'ai jamais vu. »« Ah ? Mais je me suis rendu dans son hôtel, boulevard Saint-Germain, et ses laquais m'ont pris pour lui. »« Ah ah ! Expliquez-moi cela !» Le chevalier raconta son aventure. « Et c'est ce jeune comte qui a disparu ?» demanda Darsac. L'inconnu ne répondit pas. Il semblait songer. Darsac renouvela sa question. « Oui, c'est lui, » dit enfin l'étranger. « Pauvre jeune homme et pauvre mère, » balbutia le chevalier. « C'est, » reprit l'inconnu, « ce jeune homme que nous voudrions remplacer par vous, pendant quelque temps du moins, pour sauver la mère. »« Oui, oui, je comprends. » »« Et... inutile, ne continuez pas. J'accepte votre proposition. » Un nouveau soupir, mais qui, cette fois, manifestait un soulagement suprême, sortit de l'entrebâillement de la porte. Le chevalier d'Arsac ne se retourna plus. Mis en joie à l'idée de faire une bonne action, il ne voulait pas gâter le plaisir fort légitime de son fidèle César Poirotot.